c'est la M2O. Ça va, Célia ? Ça va et toi ? Ouais, bah oui, on est le 21 juin et ça s'entend. Hein, ça s'entend. Donc ici, Radio Campus, nous sommes sur le campus de la Cité Scientifique à Villeneuve-d'Ascq. Juste à côté du bâtiment où se trouve Radio Campus, il y a la Maison des étudiants où actuellement il y a un concert où ils mettent les basses à donf. Alors je sais pas si ça passe dans le micro, enfin si... J'espère pas, mais peut-être. Mais attends, moins fort ? Ah non, Ils arrêtent quand j'essaye. Ouais. Bon, bah c'est tout. Raté. Donc on va faire comme si ça passait pas. Puis si ça passe, bah vous entendrez un fond musical plein de boum boum et de basses. C'est bien. Puis nous, on a aussi un petit peu des basses pour ce numéro 297 de Pyongyang City Rockers. Peut-être que parmi nos auditrices-éteurs, des gens se sont déplacés pour les rassemblements de soutien au soulèvement de la Terre qui sont, paraît-il, dissous. Parce qu'ils ne veulent pas donner leur code de déverrouillage de téléphone. Entre autres, oui, ça fait partie des, okay, des raisons pour lesquelles le truc a été prononcé, la dissolution a été prononcée. Donc bon, bah voilà, on en est là du délire de l'État et de ses sbires. Pendant ce temps, le monde continue de crever, c'est ce que nous disaient déjà en 1982 les Subhumans avec Dying World. It's a dying world. When you're living in a dying world, panicking becomes the everyday thing. What the food, the power and the guns, get used to the better, the final thing. It's a dying world. It's a dying world. It's a dying world. It's a dying world. It's a dying Ça finit bizarre. Subhumans, Dying World. Alors ça va, Célia ? T'es la seule à t'être déplacée avec moi. C'est clair. Pour cette émission. Puis t'es contente parce que t'entends les basses à fond la caisse. Ah ouais, c'est génial. Ouais, ça donne envie d'aller voir. Ça va être super. Là, pendant une heure avec le boom, là, ça va être. Putain, mais je sais pas. Quand t'es devant et en avoir plein les oreilles, pire que quand il pousse un petit peu au CCL. C'est vrai. Bon, on verra. Qu'est-ce que t'as rapporté de beau ? Alors moi, tous mes groupes aujourd'hui, ils ont un petit fil conducteur. C'est les groupes que j'ai rencontrés en partant en week-end tour avec les Jodie Foster. Ça va là, on se fait pas chier, on part en week-end tour avec Jodie Foster. Bah ouais, ouais, écoute, hein. C'est bien passé. On a fait beaucoup de routes quand même. On est allé jusqu'à Vienne. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc ouais, pas mal de routes, un peu de chaleur, mais c'était cool. Et t'as ramené un titre de Jodie Foster au moins ? Bon, non, on le passe déjà assez souvent, donc du coup, on les connaît déjà. Et donc, déjà c'est tous. Bien passé, il m'avait semblé qu'il y avait eu un truc sur leur tour. Où ça, il y a eu ça a un compliqué. Petit truc sur leur tour, mais je comptais en parler au moment d'accord. où j'allais passer les groupes de cette date-là. Je ne dis plus rien. Donc, le premier groupe que je passe, c'est un groupe qu'on a rencontré à Frankfurt, ça s'appelle Enolicious. Alors, on trouvait ça un peu marrant, le nom du groupe, ouais. Et puis on discute avec les gars, et en fait, il y a un des gars du groupe qui s'appelle Enol. D'accord, ah, il se fait pas chier. C'est le chef. C'est celui qui a l'inspiration. Enol, comme ouais. ça, E2N Noël. C'est ça. Bon, bah d'accord. Donc, c'est un groupe de Karlsruhe en Allemagne. C'est un groupe de skate punk hardcore. Putain, mais toi aussi tu passes du skate punk ? Un peu, ouais. Moi j'en ai un petit peu tout à l'heure. Et donc ils viennent tout juste de sortir un EP qui s'appelle No Ghost, No States. Et dans leur texte, ils critiquent principalement la société actuelle. Et le morceau ouais. s'appelle. Non, mais attends, pourquoi ils critiquent Tout va bien ? Pourquoi ils critiquent la société ? Enfin, c'est quoi cette histoire ? Alors, c'est quoi le morceau, il s'appelle Circles. Would you accept this kind of torture? No question, no doubt, boy, if it's the worth to women! They try to keep you down the day, but take every fucking chance! Encore une anecdote, je le sais, tu vas nous la raconter. Allez, vas-y, je la raconte. Ouais, bah ouais. Ben, du coup, le chanteur a les cheveux assez longs et blonds. Et il chante avec sa casquette et à un moment, il l'enlève. Et Mika, de Jodie Foster, il me dit à la fin du concert, je sais pas comment le gars il fait, il a ses cheveux, ils sont intacts, comme si qu'il venait de commencer le show. Aucune transpiration, toujours très bien coiffé. Non mais ça c'est le contrôle, c'est les Allemands, tu peux pas comprendre, ils sont comme ça, hein, voilà. Ou alors je sais pas, c'est des faux cheveux, il y a des cheveux en plastique peut-être, je sais pas, ça a plaît au mille en fait. Ça avait pas trop l'air, hein, mais bon, c'est vrai que c'était... Vous êtes pas approché pour essayer de capter si c'était des vrais cheveux? Non, on n'a pas osé. Bon bah c'est tout, moi je vais parler de Dead Bob, c'est l'incarnation presque solo de John Wright, batteur du défunt groupe No Means No, bien connu à l'époque, puis encore maintenant, donc lui-même dit que c'est presque solo. Parce qu'en fait, il y a là-dedans le travail, dit-il, d'un bon paquet d'amis, dont les autres musiciens de No Means No. Le nom du groupe Dead Bob, c'est aussi le nom d'un fameux titre de No Means No. Le titre de l'album de Dead Bob, Life Like, est aussi un titre fameux de No Means No, sur Dance of the Headless Bourgeoisie, je crois. Mais 8 titres sur les 9 de cet album qui vient de sortir, donc de Dead Bob, sont des originaux. Donc merci quand même, voilà. Et voici, sans autre forme de procès, Make Believe World par Dead Bob. You're living in a make-believe world. C'était Dead Bob avec Make Believe World. Allez, on enchaîne. Ah ouais, là, quand on est cadeau, il faut vraiment assurer. Pardon. Alors, du coup, moi, je vais passer le groupe Apparatus. Je sais pas comment on le dit. Ouais, il y a un tréma qui se balade. Mais c'est bon, ça. On va le dire à la française. Ouais. C'est un groupe de 10 beats malaisiens. Ah oui. Ouais. Ils sont... Ah, d'accord. Ok. qui existent depuis 2005. Ils ont déjà sorti 4 LP et 8 EP et split. Donc ils ont déjà pas mal tourné. Et... Après, depuis, ça fait presque 20 ans qu'ils existent. Ça va, c'est quoi. Ça. Bon. C'est ça. J'ai écrit quoi d'autre? Ils sont en tournée en ce moment. Ils font une tournée européenne et ils passent pas en France. Hein. Dégueulasse. Mais à leur dernière tournée, ouais, ils passent en Belgique. Voilà. Ils sont à Anvers ce soir. Ouais, c'est ça, voilà. J'ai vu ça sur spunk.org. Ah bon, super site. Enfin, je sais pas. Franchement, faut faire de la pub. C'est clair. Et j'ai fait plein de pubs d'ailleurs. J'ai mis plein de stickers. Je ne peux pas le dire. Et comment dire, c'est ça. Ils font une tournée de 28 dates. Et alors, la dernière fois qu'ils sont venus en tournée, ils sont passés quand même à Bordeaux. Ils connaissaient Krav Boka. Ils m'ont dit, ah, tu sais le groupe de rap, là, Krav Boka. Ouais, c'est ça. Ouais, bah ouais. Oui, bah forcément, ils tournent pas mal. Après, Bordeaux, c'est un peu loin. C'est marrant, Anvers, Tournée, Courtrai, Bruxelles, ça m'attire plus que Bordeaux. Oui, oui, c'est sûr que... C'est bien, Bordeaux, hein, je veux dire, j'ai rien contre. Hein. Et donc, le morceau s'appelle Savage Chains. Je vais pas... Lille Rock City, c'était Mexicanos Terror. Je voulais passer ce petit titre qui est sorti déjà il y a une paire d'années sur l'album de Mexicanos parce que oui, c'est pour faire un petit coucou à Karl et à Camille. Karl qui joue dans Mexicanos Terror et qui a eu un petit ennui de santé là. Je voulais le passer la semaine dernière parce qu'on a parlé de Loche. Enfin, Audrey a parlé de son pote Loche qui était venu ici il y a un an, puis qui a eu un accident. Puis il y a aussi Karl, il y a aussi eu un petit accident. Et puis bon, mais tout va bien. Donc bisous, Carlitos. Et puis quand tu reviens à Lille, tu viens nous faire signe. Bonjour. Maintenant, alors les histoires. On parlait de groupe en tournée, Jeudi Faster, oui. Apparatus. Là, moi, je vous parle de Asphyxia, groupe colombien, qui avait prévu de longue date une tournée en Europe, qui s'est révélé un beau bordel. peut-être pas un fiasco, mais quand même, ça a été des petits ennuis à l'ouest. Ça a commencé par Barcelone, je sais pas trop ce qui s'est passé. Ils ont eu aussi une annulation de tous les concerts qui étaient prévus en France. Très sympathique. voilà. On sait pas trop non plus pourquoi ils sont pas trop étendus là-dessus. Pour aller jusqu'à Attends. Par contre, quand ils sont passés à l'est, parce qu'ils devaient participer d'abord à un gros festival en Pologne et ensuite faire quelques dates à Gdansk et à Torun et puis je sais plus où. Arrivé en Pologne, dès l'arrivée à Gdansk, ils se font choper à la gare des bus par des FAF qui finissent par arriver à les virer de la ville avec l'aide des flics locaux. Ouais, mais carrément. Hein. Et donc, ils n'ont pas, absolument pas pu aller se produire là où ils devaient aller jouer. Quoi. Ensuite, ils n'ont pas de fric, hein, vu que les gars, ça, ils ont quand même raté pas mal de concerts, etc. Et malgré l'aide qu'ils ont eue à Barcelone avant d'arriver à Gdansk, ils n'avaient pas trop de thunes. Donc, ils décident de rallier le prochain concert qui se trouve à 174 bornes de là à Torun. Ils y vont en stop. Enfin, oui, tu dis à pied, mais ouais, oui, t'as raison, stop. Parce qu'en fait, ils vont en stop, mais personne n'est jamais pris en stop. Donc, bon, voilà, vous représentez bien trois punks colombiens en stop dans le brouillard du nord de la Pologne. Il y a des, on voit des photos où t'as carrément du brouillard autour de la route, quoi. Donc, pareil, ils se font cracher dessus par les beaufs locaux, explicitement ciblés, parce qu'ils ont des gueules de sud-américains. Il y a des connards qui les poursuivent en bagnole, en mobylette, à vélo, pour les insulter, etc. Heureusement, ils finissent par trouver quand même des gens sympas qui les hébergent et qui leur donnent pas mal d'aide. Donc tous les Polonais quand même, not all Polish people. Ils ont quand même réussi à plus ou moins limiter les dégâts. Ils ont assuré un peu de concert et là maintenant ils sont en Allemagne. Hier c'était Berlin, aujourd'hui Brême, demain ils seront à Lübeck. Allemagne où quand même ils ont trouvé un environnement plus propice, mais ils ont quand même envie de rentrer chez eux. Je pense qu'après ça ils retournent sur Barcelone où ils ont laissé une partie de leurs affaires et après ils retournent dans leur bled en Colombie. Tout ça pour rappeler à tous les gens qui ont déjà fait tourner, qui connaissent un petit peu la Pologne, que par là-bas les FAF fourmis et sont légèrement plus teigneux que nos propres animaux à nous qu'on a ici. Un exemple d'il y a 30 ans, c'était Hiatus qui avait fini par sortir un split EP avec Fleas and Lies pour récupérer un peu de rond pour réparer leur camion. Le titre que je vais passer c'est Bloody Prejudices. Avant Hiatus, je mettrai quand même un titre de Asphyxia de circonstances et anti-nazi et je finirai le bloc avec un bon groupe polonais, Regress, des antifascistes assumé, et par là-bas c'est pas facile tous les jours. Leur titre c'est Precz, qui signifie dégage. Je finis cette histoire quand même avec la conclusion d'un des membres du groupe qui a écrit donc sur réseau social: j'emmerde toutes leurs putains d'idées de suprématie raciale, leur xénophobie, leur putain d'idées fascistes et racistes, j'emmerde la complicité policière et j'emmerde tous les putains de peuples et communautés nazies du monde. J'espère qu'il n'y a pas trop de peuples et de communautés nazies quand même, merde. Voici donc premièrement Asphyxia avec Anti-Nazi, suivi de Hiatus avec Bloody Prejudices, en live, et suivi de Regress avec Precz. Yeah. Equality, prejudice. It's about the punk movement. déjà 20h31 à l'antenne de Campus 106,6, c'est Pyongyang City Rockers numéro 297 avec vos grands de l'Idriss et grands leaders Célia ouais, et Stéphane. Ouais, bientôt la 300e, mais moi j'aime pas les anniversaires, donc c'est pareil. Bon, allez, il faudra peut-être faire quelque chose. Ça devrait tomber normalement début juillet, voilà. Tiens, faut dire aussi que normalement, et si tout va bien, on aura le vendredi 30 juin, on va faire un live de Big Death Amigo ici. Donc voilà, youpi. Donc pour les gens qui nous écoutent et qui seront pas encore partis à Pétaouchnok en avion électrique en vacances, ils pourront toujours nous écouter ou voire même essayer de venir se presser dans la foule nombreuse dans le studio de Radio Campus. Ça sera vendredi 30 à partir de 21h. Et puis donc bah voilà, allons-y. S'il vous plaît. Allons-y. Donc moi, je vais passer à un groupe qui s'appelle Commando Schimmelkot. Oui. Et ça veut dire le commando des moules qui vomissent. Hein? Le commando des moules qui vomissent. Les moules qui vomissent, comment dire? Ouais. Ça donne le ton déjà. c'est un groupe de Dutch punk qui vient de Darmstadt. En Allemagne, encore. Il y a une voix féminine au chant. Et leur EP, qui a le même nom que leur groupe, je vais éviter de répéter. il est sorti en novembre 2017. Et je vais passer le morceau Antifa EV. Ich bin jetzt zum Selbstversager, Ketchup, Wetter und Chef. Der Wäsche wascht, muss arbeiten, das mach ich nicht mehr mit. bien sûr. Mais c'était quoi ça? C'était un deuxième titre? C'était un deuxième titre du même groupe et qui s'appelle Enter Ose. C'est un morceau pour les gens qui aiment pas se laver, qui aiment pas faire les lessives. Ah, j'en connais quelques-uns. C'est ça, petite dédicace à nos pattes crust un peu. Ouais. Et donc le refrain, c'est, ça dit toute une vie, le même caleçon. Donc d'accord. Ils chantent ça en chœur. Bon, écoute, et donc tu peux rappeler le nom du groupe? Commando Schimmelkotze. D'accord. Le commando des moules qui vomissent. C'est ça. D'accord. Bon, puisque tu nous passais quelque chose avec une nana qui chante, moi je passe un groupe où il n'y a que des nanas, Shonen Knife, les Ramones japonaises. Petite dédicace à ma pote Manu qui se balade en ce moment au Japon. Et si ça tombe, elle ira les voir ce dimanche au Chaotic Noise Club dans la ville de Kochi. Elles sont passées il n'y a pas longtemps, Shonen Knife, en Europe. En tout cas, au moins en Grande-Bretagne, elles y étaient en avril. Mais bon, après, elles sont rentrées là-bas. Hein. Ah, et voici donc leurs histoires d'animaux, Animal Song, enfin, je ne sais plus comment ça se dit en japonais. Et donc, c'est la chanson des animaux, par Shonen Knife. Youpi! Raison, déjà fini. Oui, oui, ça fallait un petit peu casser là par rapport à tous les gueulards depuis tout à l'heure. Shonen Knife, elles font dans tous les styles, hein, country, western, et puis aussi des fois elles vont vers le hardcore assez brutal. Et puis là, comme là, c'est plus poète-poète, mignon. Ce qui est mignon aussi, c'est le bout de nos rêves, tout le monde connaît dans la région. Bien malheureusement, actuellement, ils ont quelques petits problèmes de sous. Apparemment, une question de comptable peu efficace, et puis aussi peut-être que on a le contre-coup de l'après-Covid et tout le bordel, quoi. Bah surtout qu'ils ont ouvert juste après le début du Covid, quoi. Et donc petit problème, le tenancier, le patron du BNR nous dit qu'il a jusqu'à septembre pour payer tout ce qu'il doit et envisager la suite du BNR. Donc quand même, on a l'impression que il explique comment il fait, que jusqu'ici il y a toujours accueillir les groupes en offrant à manger, à boire, le logement et le défraiement, et tout ça uniquement sur les entrées, ce qui fait qu'à chaque fois il doit remettre de sa poche pour combler les manques et les déficits depuis 3 ans, puis au bout d'un moment il n'y a plus de sous. Donc il a décidé d'arrêter d'organiser autant de concerts, donc il y aura toujours des concerts organisés par le bout de nos rêves lui-même, mais beaucoup moins. Et donc, par contre, il lance un gros appel aux gens qui sont désireux d'organiser très régulièrement des concerts au bout de nos rêves, de se manifester auprès du BNR, par exemple, sur, via le Facebook, enfin, par Messenger, etc. Il recherche donc, dit-il, des associations, des groupes, ainsi que toute personne motivée pour organiser et continuer à faire vivre cette scène alternative. En plus de ça, il va quand même mettre en place quelques mesures pour essayer de rembourser les dettes qu'il a contractées depuis 3 ans. Il va y avoir de la création de t-shirts, des concerts de soutien, ceux qui veulent se manifester pour faire des concerts de soutien là-bas, peuvent envoyer un mail à auboutdenosrêves13@gmail.com. Il y aura une tombola avec des super cadeaux, nous dit-on, et puis une cagnotte de soutien au bar, et peut-être aussi une cagnotte en ligne. Tiens, d'ailleurs, je crois qu'il me semble qu'elle a été lancée hier, la cagnotte en ligne. S'il y a des gens qui ont des propositions, des trucs qui sortent de tout ce qui a déjà été énoncé ici, ils peuvent aussi se manifester à l'adresse mail que j'ai donnée précédemment, ou alors je pense que via Facebook, il est pas mal sur Facebook, donc il pourra tout de suite prendre connaissance de ce que vous avez à raconter, si vous avez des choses à raconter. Il tient à dire que sachez que tout cet argent sera réinjecté dans le bar. C'est bien injecter de l'argent dans un bar. Et après, on injecte la bière dans les clients. Si par miracle les dettes sont remboursées, le surplus servira à l'achat et à la remise en état du matériel. Donc moi, quand je lis par miracle, je me dis, ça pue bien, quoi. Ouais. Ça serait quand même bête qu'on n'ait plus le bout de nos rêves, parce que c'est une super salle. Surtout qu'il y a déjà plus tant que ça de lieux à Lille, et que il y a quand même plein de gens. Je vois Ripoll qui organise. Souvent là-bas, ou qu'on voit des groupes là-bas. Et puis franchement, on arrive là-bas, on est toujours super bien accueillis. C'est clair. Moi, j'ai jamais vu la moindre emmerde de quoi que ce soit. C'est les gens qui sont là, c'est vraiment que des bons, quoi. Donc c'est vraiment c'est un super endroit. Donc il faut maintenir le bout de nos rêves. Il va falloir qu'on mette un petit peu la main à la poche, peut-être, et puis peut-être aussi participer à l'activité du lieu. C'est ce que, en tout cas, ils nous précisent. À suivre au bout de nos rêves. Là, en attendant, il y a des concerts ce jeudi, ce vendredi et ce samedi. Si j'ai le temps, je vais pouvoir vous les donner tout de suite en consultant un super agenda. Super agenda. Mais lequel ? Je peux le voir. Voilà. Et donc, faut que je trouve les concerts les concerts. Il y a beaucoup trop de concerts en ce moment, c'est le bordel. Ouais, c'est clair. Surtout ce soir, il y en a vraiment plein. Jeudi, il y a reprise de volée, Nothing for Free et Midwich Cuckoos. Tout ça, c'est plutôt punk rock, donc ça sera au bout de nos rêves à partir de autour de 20h, et ça sera 5€ l'entrée. En plus, c'est pas cher, quoi. Il suffit d'y aller, vous payez 5€ et le reste vous le dépensez en bibine, bordel, ou en merch, c'est comme vous voulez. Vendredi, ça sera toujours au bout de nos rêves, ça sera plus des trucs chansons avec Kermesse à l'Est, Emeline tout court et Camarades Bourgeois à 20h, et là ça sera un prix libre. Et enfin, samedi, toujours au bout de nos rêves, je l'ai trouvé, il y aura Plague 13. Excellent crust avec Michael qui joue aussi la batterie dans Scraps. Sinon, il y aura Ulrich's Dream, les bons vieux hardcore punk metal, ils viennent de Leuven, je crois. Et puis, il y aura un autre groupe qui n'est pas encore défini. Ça sera samedi 24 juin à partir de 20h, et pour 5€ l'entrée. On vous le dit, c'est pas cher, c'est un super lieu, il faut soutenir, il faut y aller. Et puis si vous avez envie de mettre un petit peu la main à la pâte et puis organiser des trucs, allez-y, ils seront contents et on sera tous contents. Voilà, maintenant, un des premiers groupes qui sont passés au bout de nos rêves quand ça venait tout juste de voir le jour, c'est Asile, les Belges qui font aussi du punk poète-poète, un peu à la manière de Commando Schimmelkotze. Les voici qui nous disent que quatre planches. Les quatre planches, c'est ce qui nous attend tous. Donc en attendant, faisons les choses du mieux que l'on peut. Je sais pas si c'est ça qu'ils disent, mais bref. Asile, quatre planches, et soutenez le BNR. Bim, Asile. Sur Campus 106,6, c'est l'émission. Pyongyang City Rockers pour encore 10 minutes. Célia, c'est à toi. C'est à moi. Alors, moi, je vais passer à un groupe qu'on a rencontré à Francfort. Mais avant, il faut que je vous raconte une petite anecdote. anecdote, ouais. Déjà, la date, ils ont un peu galéré à la trouver, sauf que pour faire Vienne-Lille en one shot, c'était un peu long, donc ils essayaient quand même de trouver une date le dimanche. Il y a quoi ? Il y a 1200 bandes comme c'est ça. Ouais, il y a à peu près 15 heures de route. Bien. Et donc, grâce à des connexions, au dernier moment, ils ont fini par trouver une date dans une fac à Francfort. C'était super. Petit en extérieur, financé par la ville en plus. Ouais, ils ont dit vous pouvez jouer, faire un concert, mais en extérieur, que ça soit gratuit pour tout le monde et on vous donne de l'argent. Donc ça, c'est pas exclu. Je pense qu'un jour, je vais émigrer en Allemagne. C'est clair. Et donc, tout se passe très bien. On est hébergés, tout se passe très bien. Et puis le lendemain matin, en allant récupérer le van, ben, il n'était plus là. Non. Si. Qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est dit, bah mince, on n'était pas si mal garé et tout. Et en fait, si, c'est la fourrière qui l'a récupéré, sauf qu'on a, un peu galéré à le récupérer. On appelle les flics grâce à notre hôte et ils demandent. Et les flics, ils n'avaient aucune trace du véhicule. Donc là, on commence à se dire, bah merde, on s'est fait voler le camion avec tout le matos dedans. Sympa. Ouais. Et finalement, non, en appelant quelques sociétés de fourrières, on a réussi à retrouver le van. Trois heures plus tard. Mais... Ah ouais, ça va. Quand même, ça avait trois heures à se prendre le chou. À stresser, ouais. Le temps d'aller le récupérer. Et donc, c'était les flics qui avaient procédé non, à... Non, en fait, il y a des sociétés privées qui tournent et qui... Ah ouais ? Ouais. Putain, ouais, et puis en plus, petite amende salée et... C'est surtout qu'ils sont venus récupérer à 6h du mat, le van. Ah bah oui. Ils tournent au moment où toutes les voitures sont garées, comme ça. Après ils font leur marché. Hein. Et donc ouais, en Allemagne, ils sont, t'as des boîtes privées qui ont le droit de venir... C'est ça, ils ont des contrats avec la ville apparemment. Et, En France, ça n'existe pas, ça. Bon, non. Je reste en France. Finalement. Oui. Et donc, du coup, on a rencontré le groupe qui s'appelle Oh Yes No. C'est un groupe croate qui vient de Zagreb. C'est un trio post-punk, art-punk, wave-power. D'accord. C'est des morceaux courts, un peu chaotiques, mais qui vont droit au but. C'est un groupe qui s'est formé pendant le confinement, comme on en a eu plein, en 2020. Et leur premier EP est sorti en mars 2022 et il s'appelle Small Talk. Et chose incroyable qu'on a vue... Après leur concert, sur leur merch, ils vendent des disquettes avec un morceau dessus. Oui. Bon, d'accord. Mais alors, ils font des titres vachement courts, alors. Ouais, ils font des titres assez courts. Là, j'ai choisi deux titres. Ou alors, ils mettent des MP3 super compressés, tout pourris. C'est possible aussi, mais bon... T'en as pas acheté une ? Non, on n'en a pas acheté une. Mais, mais bon, on s'est dit, il n'y a plus personne qui a des ordis qui... Ouais. Bon, il y a encore des gens alors, mais bon, c'est quand même rare. Autant les cassettes, on en voit quand même souvent. Ouais. Oui, bon, et on a des bons labels ici. Hein, c'est ça. Sap, hein, bonjour. Et donc, j'ai choisi deux morceaux, Small Talk, et le deuxième, il s'appelle Sound Guy. D'accord. Ah oui, mais en effet, deux morceaux, 2 minutes 04. C'est ça. Oui, ils tiennent sur des disquettes, pas de problème. Allez, How Yes No. Silence. vachement bien, dis donc. Oh. Allez, il nous reste 30 secondes pour dire au revoir, parce que dans 4 minutes, même pas, c'est Jean Damien qui revient avec Teeth Grinder. On se retrouve la semaine prochaine pour le 298e numéro de Pyongyang City Rockers. Célia, merci d'être passée. Bah, de rien. Et surtout, on n'oublie pas. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas, je ne sais plus. Bah, AK. Bah. Ah ouais, d'accord. Bon, sinon, on se quitte avec Theater of Hate, qui font East World.